pas pouvoir le caster, donc c'est pour ça que j'ai mis son, c'est dérangeant, mais vous préférez avec ou sans micro? Avec. Avec. Si je parle trop fort, vous me dites. Alors aujourd'hui, on va parler d'évolution des marques et la manière dont elles communiquent avec leurs consommateurs. On va parler des meaningful brands, coach brands et les marques qui passent du storytelling au storytelling. Vous savez que c'est toujours, presque chaque année, une question d'examen, ce cours. Donc, voilà. Alors, on est dans une ère où, vous vous souvenez, l'évolution de la communication, on se rendait compte que les marques étaient passées d'une communication avec une différenciation de produit, puis une différenciation de marque, et où on injectait beaucoup d'argent dans la pub pour faire la différence, pour avoir une certaine valeur ajoutée. Aujourd'hui, la valeur ajoutée ne se fait pas uniquement sur la qualité d'expression publicitaire, sur le côté humoristique de la marque. Elle va dépendre d'un tas de critères. Et au niveau de ces critères-là, il y a notamment quelle est l'éthique de l'entreprise qui est derrière cette marque. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est transparente? Et est-ce qu'elle m'apporte une valeur ajoutée dans ma vie? Donc, au-delà de bien communiquer sur la manière de... sur son produit ou sur son service, pourquoi est-ce que je devrais considérer l'achat de tel produit ou de tel service? Ça, c'est facile. Mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce que cette marque m'apporte en plus? Et donc, on se rend compte que plutôt que de bien parler des avantages d'un produit, il faut d'abord apporter quelque chose dans la vie des gens, faire du sens dans la vie des gens. Ça, c'est assez important dans une société où, je ne vais pas faire un cours de sociologie, mais où on est tous un peu à la recherche d'un but, on a tout à portée de main, mais on reste quand même de manière très générale un peu frustré dans nos vies. Quelles sont les marques qui vont me permettre d'avancer et qui vont me permettre d'évoluer dans ma vie plus facilement? C'est aujourd'hui un des grands chantiers que les marques entreprennent. Alors, ce n'est pas uniquement moi qui le dis, il y a quand même beaucoup d'études et d'agences qui sont focalisées sur ces marques qui font du sens dans la vie des gens. Imaginez qu'aujourd'hui Google disparaisse, c'est peut-être une catastrophe, mais en dehors du search engine, vous avez une kyrielle de services à votre disposition, gratuits, même si c'est la fausse gratuité que Google utilise vos data pour les revendre. Ça, c'est un autre débat, et on verra ça à un autre cours. Mais aujourd'hui, un monde sans Google serait quand même un monde un peu complexe. Et donc, Google est une des marques qui fait beaucoup de sens dans la vie du consommateur. Donc, ce que le CEO du groupe Havas au niveau mondial nous dit, c'est que dans un monde où il y a énormément de contenu, et on est en effet submergé de contenu tous les jours, où il y a chaque jour 500 millions, un demi-milliard de tweets, 4,3 milliards de messages sur Facebook, un demi-milliard d'heures de vidéos sur YouTube qui sont envoyées, postées, uploadées, dans ce monde, eh bien, il n'y a que quelques marques qui vont commencer à prendre la forme de marques utiles et qui vont rentrer en connexion de manière plus efficace avec les gens. It's no longer enough to produce products that work. Brands need to know why people care and what makes their brand meaningful. Donc, juste faire du produit, ça ne suffit pas. Et donc, on est passé d'un schéma qui était en communication, on parle des avantages fonctionnels de mon produit, on va dire, vendez du Coca-Cola, mais dans les années 50, qu'est-ce qu'on disait? C'était une boisson très, très rafraîchissante, même médicale, au début, si vous vous souvenez de l'histoire de Coca-Cola. On va parler de son avantage fonctionnel ou de ses avantages de prix, et on va pousser les gens à acheter parce qu'ils en ont besoin. On est rentré ensuite sur l'ère de la différenciation avec un côté beaucoup plus aspirationnel des marques quand elles construisaient leur image de marque, avec une communication qui devait faire la différence. Je me souviens d'ailleurs qu'on parlait, vous savez ce que c'est le USP? Unique Selling Proposition? Vous avez entendu ça dans les briefings? Donc c'est essayer de définir en une phrase quelle est la raison unique pour laquelle le consommateur devrait acheter ce produit-là. Et ça, c'est donc mettre l'essence même de la différenciation du produit par rapport à ses concurrents. Et dans les années 90, on a commencé à dire le USP n'existe plus parce qu'il n'y a quasi plus de différence entre les produits. La preuve en est aujourd'hui, que vous soyez chez Base, Orange ou Proximus, à peu de choses près, les abonnements sont quasi identiques. Vous allez acheter un frigo, vous allez acheter un four à micro-ondes, à peu de choses près, il y a une grande différence. Entre les téléphones mobiles, à peu de choses près, si ce n'est l'OS, entre un Apple et un système Android, il y a peu de différence. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas le USP, le Unique Selling Proposition, c'est le UEP, Unique Emotional Proposition. Quelle est la valeur émotionnelle que la marque peut mettre en avant et qui va attirer les gens? Ça, c'est ce qu'on a fait pendant des années, depuis les années, fin des années 80, 90, et encore un peu 2000. C'était de trouver et d'ajouter un côté aspirationnel à la communication et donc à la marque. Et bien, on est rentré dans une autre ère où ça ne suffit plus. Et on doit devenir meaningful. Mais ça veut dire que jusqu'ici, c'était une question de communication, du storytelling. Il fallait dire, de nouveau, souvenez-vous, premier cours sur la créativité, on va dire quelque chose sur le produit ou sur le service, et on va le dire de la manière la plus créative possible dans un espace qui nous est donné ou qu'on a acheté. Donc ça, c'est de la com. Ici, ce sont des actes. Être meaningful, c'est pas juste faire une chouette pub qui va faire parler nous, c'est venir avec des services à valeur ajoutée, des services gratuits qui vont permettre aux gens d'avoir un petit plus dans leur vie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Et on va voir pas mal d'exemples aujourd'hui. Ça va de la compagnie d'assurance qui va vous dire, qui va pas simplement vous communiquer de manière fun, mais qui va vous proposer une application, par exemple, qui va dire on va arriver à diminuer votre tarif de police d'assurance auto si vous acceptez de charger l'application, et en fonction de votre type de conduite, eh bien, on va réduire d'un certain nombre de pourcents votre police d'assurance parce que vous êtes réellement un conducteur qui respecte les règles, qui conduit convenablement, etc., etc. Et donc là, on fait du sens parce qu'on vous octroie une réduction par la tête du client en fonction de votre comportement. On va voir Coca-Cola, si vous prenez l'exemple. Ils ont vendu de la pétillance, ils ont vendu un petit peu de rêve, et pendant maintenant quelques années, ils ont vendu du happiness. Parce que dans un monde un peu complexe, on va commencer à essayer de faire un peu du sens par rapport aux gens et de leur apporter un petit moment de bonheur, pas simplement en leur disant « achetez Coca-Cola et vous allez être plus heureux ». On va faire plein d'actions terrain qui vont normalement rendre les gens un peu plus souriants et un peu plus heureux. Dove, et on va passer ça en revue, ils sont passés d'une communication fonctionnelle, ils expliquaient au tout début qu'il y avait beaucoup, un quart de crème nourrissante dans leur savon. Aujourd'hui, faire beaucoup de sens pour les femmes, puisqu'ils militent depuis 10 ans. Ils ont ouvert le débat et pas mal de sites où les femmes peuvent s'exprimer en militant pour la réelle beauté des femmes. Puisque seules, je crois, c'est 6% des femmes dans le monde, statistiquement, se trouvent jolies. Et tout le reste se trouve pas suffisamment bien à leur goût, malheureusement. Même si les hommes sont là pour leur rappeler qu'elles sont très très belles, mais ça, c'est un autre débat. Alors, dans ces études qui sont faites sur les meaningful brands, il y a évidemment une catégorisation et il y a des secteurs qui sont plus performants que d'autres pour faire du sens par rapport aux consommateurs. Donc là, on a un ranking, c'est quelle est l'importance selon vous sur une échelle de 1 à 7 si la marque disparaissait. C'est pas important ou c'est très très important. Je m'en fais si elle disparaît ou je m'en fous si elle disparaît. Et là, to what extent do brands contribute to improve your quality of life? Là, ce sont toutes les marques. Plus on est ici, plus les marques vont ajouter quelque chose dans ma vie. Et on se rend compte de quoi? Eh bien, c'est que le secteur financier, c'est en effet, on s'en fout si la marque de ma banque ou de mon assurance disparaît demain. Et de toute façon, je considère qu'elle ne m'apporte pas grand-chose dans ma vie. Un secteur qui est en crise et qui a besoin de se renouveler, de se retrouver, de trouver du sens et de faire du sens par rapport aux citoyens. Et on se rend compte que tous les produits IT, les Google de ce monde, les les WeTransfer, les WhatsApp, etc., font beaucoup de sens et on aurait un petit peu du mal à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Les retailers également font du sens, ils ont une valeur ajoutée, ils m'apportent quand même pas mal de facilité dans ma vie. Les marques de nourriture et tout ce qui est consumer goods, et donc là-dedans, on va avoir les Nike et autres marques qui me vendent des vêtements ou des produits en consommation. Alors, je vais faire on va avoir une toute petite vidéo. Et chaque année, Havas Group, au niveau mondial, investit énormément d'argent dans une étude consommateur pour voir quelles sont les marques qui représentent le plus d'intérêt pour le consommateur et donc qui sont les plus meaningful. On va voir ici un petit peu les quelques conclusions. Hi Morgan. Hey Morgan. I want you to tell me about meaningful brands. Meaningful brands is a study that we have at Havas that measures the contribution that brands make to the quality of people's lives. So how big was the study? This year it's colossal. We're looking at 300,000 people in 33 different countries and over 1,500 brands. Whoa. Brands that are more meaningful, not only are people willing to buy them more often, but they're also willing to pay more. The more meaningfulness means more profit. Means more sales. But how much? The brands that are meaningful outperform the stock market by 206%. Tell me what you think makes content meaningful. Some sort of emotional reaction. Content that an audience connects to, that makes them feel something. Since our study shows that when content delivers on the things that people want, their personal benefits, that makes them more meaningful. Good content means more meaningful. It's just not about you as a brand, it's about your customer. Unfortunately, most of the content isn't very good. Most of it actually sucks, to be honest. Yeah, about 60% of it is just clutter. Our study shows that 74% of brands could disappear tomorrow and nobody would care. What? No way. It's a wake-up call for brands. What should they do now? You've completely ruined their day. They need to go to our website and look at the reports that we published, and they need to figure out what is meaningful for their category, what kinds of content they should be delivering for people that ultimately will drive business results. You just call us too long. Yeah. After you read that. Alors, donc, 300 000 personnes interviewées au niveau mondial, dans 33 pays, 15 industries, et on a déjà vu quelques premiers résultats. Donc, ce qui est quand même important, c'est que les marques qui sont les plus meaningful, celles qui font le plus de sens dans la vie des gens, sont celles qui ont tendance à mieux performer au niveau financier. Tant au niveau de la bourse qu'au niveau des ventes. Et on reverra ça au niveau du storytelling, story doing. Donc ici, meaningful brand increase their KPIs by up to 137%. For every 10% increase in meaningful performance, some of the most common KPIs grow by 12% au niveau d'augmentation des prix. 10% au niveau de l'augmentation des ventes, etc. Je ne vais pas retenir les chiffres. Sachez que donc les marques qui sont les plus meaningful sont également les plus successful. Mais la mauvaise nouvelle pour les annonceurs et pour les publicitaires, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent complètement des marques. Et oui, il y a certaines marques qui comptent, mais alors tout le reste qui communique et qui continue à communiquer de manière assez traditionnelle et qui ne se demande, pose pas la question de qu'est-ce que j'apporte en plus que de vendre des produits. Mais finalement, si ces marques-là disparaissaient demain, la plupart des gens s'en foutraient. 74% des marques aujourd'hui actuelles pourraient disparaître sans que les gens s'en fassent et se disent ben, c'est vraiment dommage. 75% des gens mais attendent en fait que les marques développent plus de contenu qui va contribuer à leur bien-être et à leur qualité de vie. Et il y a, selon eux, que 40% de gens, que 40% de marques qui le font bien, qui contribuent et qui viennent avec du contenu qui m'aide ou avec des services qui m'aident. Et et ça c'est le problème. On verra, on fera un chapitre également sur tout ce qui est content strategy. 60% du contenu aujourd'hui qui est développé par les marques est considéré par la plupart des consommateurs comme ne servant absolument à rien et comme étant plus du bruit qu'autre chose. Donc on se rend compte que les marques sont rentrées dans une course au content. On a nos campagnes, on sait que c'est plus aussi efficace qu'avant, donc on doit commencer à se focaliser sur nos owned channels, et on doit développer beaucoup de contenu qui va tenter d'influencer le consommateur, mais il y a beaucoup de trucs qui servent absolument à rien et qui n'est pas, qui ne fait pas écho chez le consommateur. Alors dans le ranking de l'année passée, l'étude vient de sortir il y a un mois, Google est la marque la plus meaningful auprès des 300 000 sondés. PayPal, bizarre, mais c'est quand même une marque qui vous permet de faciliter tous vos paiements, notamment online. WhatsApp, on est tous à peu près sur WhatsApp. Mais, YouTube, évidemment. Samsung, qui vient avant Apple. On touche beaucoup plus de monde. Mercedes-Benz, bizarrement. Je n'aurais pas cru que Mercedes-Benz était à ce point meaningful pour le commun des mortels, avant BMW ou avant Audi. Nivea, je peux comprendre, hein, une marque qui a toujours été très proche des gens, qui essaye d'aider les gens. Voilà. Vous ne devez pas retenir le ranking, c'est pour votre information. Et donc, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi est-ce que Nike, qui n'est que 27e d'ailleurs, est meaningful? Eh bien, je crois qu'au niveau des bénéfices fonctionnels, bonne qualité des produits, ils délivrent ce qu'ils promettent. Il y a des produits à grande valeur ajoutée et au niveau de mes bénéfices personnels, ça me permet de me montrer, ça me permet d'avoir une identité spécifique, ça me permet d'être moi et ça me permet, et là, désolé, c'était peace of mind, d'être plutôt cool. Alors comment est-ce qu'on va illustrer ça? On va voir quelques exemples de marques qui sont rentrées dans cette démarche meaningful. Un exemple qui date un peu, mais qui est quand même intéressant, pour dire que ce n'est pas d'hier, c'est Canon, qui continue à faire de la pub traditionnelle, mais de nouveau dans cette démarche d'ajouter de l'intérêt dans la vie du consommateur, ils se sont dit, bon, les gens qui sont passionnés de photos, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ère du digital qui va faire en sorte qu'ils considèrent ou ils aient beaucoup de sympathie pour la marque? On va à nouveau jouer la carte participative et on va essayer d'aller titiller un peu la communauté des photographes amateurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une sorte de concours mondial de photos, mais qui est une chaîne. Vous allez voir, c'est bien expliqué dans le petit spot. C'est chaque personne, donc on lance, quelqu'un va démarrer le mouvement, c'est un vrai mouvement. Et donc je dois prendre une photo, imaginons que je prenne un cliché de cet auditoire, et je vais pointer un endroit, et je vais dire, ben voilà, le mot-clé, ça va être ordinateur. Et cette photo-là, elle est postée sur une plateforme, et donc le défi photographique pour la prochaine personne sur la liste, c'est de faire un cliché assez créatif d'ordinateur. Et une fois que lui aura fait un cliché d'ordinateur, il va redéfinir dans sa photo un mot-clé, qui va peut-être être une couleur, qui va peut-être être un objet qui n'a rien à voir avec l'ordinateur, qui deviendra le nouveau défi photographique du prochain, etc., etc. Et donc on a toute une chaîne qui fait qu'on a toute une communauté qui s'amuse à se lancer des défis photographiques pour gagner, c'est peut-être pas encore bien décrit, mais des petits avantages, des bons de réduction, ce genre de choses, mais aussi d'être valorisé parce qu'il y a, là je crois que le film ne le dit pas, une exposition par pays qui va montrer les meilleurs clichés et qui va faire monter ces photographes en herbe qui vont sortir de l'inconnu et qui vont, pendant l'espace d'une exposition et un peu de RP autour, être mis en avant. Regardons ça. Our brief was to promote the Canon EOS, a leading brand of DSLR cameras. We began with a simple insight that great photography is not about technology, it's about inspiration. And so we created a new way for people to be inspired that would literally spread from one photographer to the next as a new creative experience that was inextricably linked with the brand. Introducing EOS Photo Chains. The idea is simple. A person takes a photo and selects a detail in it. The detail then acts as the inspiration for a new photographer to shoot. As this process is repeated, it creates a chain of connected photos and photographers. To launch the idea, we started a photo chain, which we showcased in national advertising. Pink! Box. What's that? This directed people to the photo chain's website, where they could upload photos to continue the chain we had started. Once online, people could also start their own photo chains or join those created by others. Each photo acted as a direct invite from one photographer to the next to join the online community. As the idea grew, we featured real photo chains and the photographers who had created them in our national advertising, constantly showcasing the live network of photo chains as a new way to engage with creative photography inspired by the brand. As the idea passed from person to person, Photo Chains was now growing as its own social media platform, changing photography from something people traditionally create on their own into a new way to inspire and interact with others. As the Photo Chains network grew, the website became a personalized creative platform for each user, designed to track each person's photos and photographers they wanted to watch, connecting them to creative tutorials from pros and creative products, all designed for people to inspire each other's creativity and create further conversation with the brand. Commercial que Canon peut faire, et les meaningful brands ne font pas non plus que du meaningful, mais c'est important dans la démarche d'une marque si elle veut commencer à gagner la sympathie mais aussi la fidélité de certains clients, c'est d'avoir ce genre de choses qui vous apportent un petit plus, et là on ne vous vend pas un produit. Donc ça c'est assez intéressant. Autre exemple de démarche meaningful. Alors c'est un exemple un petit peu différent. Là on est sur la transparence et de l'ouverture au dialogue. Peut aussi faire du sens pour le consommateur qui est souvent très, très critique par rapport aux marques et très soucieux aussi de la valeur éthique. On va voir ici l'exemple de McDonald's qui dit pas de tabou, on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez sur notre nourriture et on va même y répondre dans une campagne publicitaire. Donc, tout ce qui est en général, il y a beaucoup d'annonceurs qui se ferment sur les réseaux sociaux, qui ont même peur ou qui ont eu peur d'ouvrir leur page Facebook en disant ça c'est le pandore aux critiques et aux plugilats online. Et là finalement c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire ben, ouvrons justement le débat et on va y répondre sans aucun tabou. The years had not been kind to McDonald's. There was Morgan and Jamie, Food Inc. and Fast Food Nation, and a million stories all putting McDonald's at the center of a conversation led by haters. With food quality perception scores down, we decided to stop talking and start listening. See ya. Any question of McDonald's? Well, I would like to know why they don't accommodate vegetarians. I'd like to know if it's actually 100% pure vegan. We listened to every question, then answered them all, openly, honestly, in real time, and posted live for the world to see. I'm Kupagazi, Director of Marketing for McDonald's Canada. I'm here with a question from Isabel M. from Toronto, Ontario. She asks, why does your food look different in the advertising than what's in the store? It'll be a direct comparison of the right side of both burgers. Perfect. We're trying to dispel this myth that there's a company out there called 100% Pure. And Mika, the answer is absolutely not. Beef comes in two types, in lean and fat. It was the one thing people weren't expecting from McDonald's. The truth. In a new video that's gone viral, McDonald's is revealing why their burgers look better in advertisements than they do in real life. Really, the message is the food is whole. The food is real. You gotta have that Big Mac, and now the top chef at McDonald's is spilling the secret on how you can make that special sauce at home. And what started as a national campaign transformed the way people feel about McDonald's around the world. In all, we answered more than 20,000 questions, earned more than 14 million video views, and achieved dramatic gains on both food quality perception and brand trust scores. By opening up and letting them in, we made McDonald's a place people could be proud to love. C'est quand même quelque chose d'important. Autre manière de faire, c'est pour un site d'e-commerce pendant le Black Friday, qui est aussi une des journées où il y a la plus grosse vente dans les magasins, et puis il y a le Cyber Monday où là il y a la plus grosse vente online. C'est l'équivalent, si c'est une marque qui est l'équivalent de Ice Adventure, et qui décide de fermer ses magasins et son site pour inviter les gens à ne pas choper ce jour-là et à justement retrouver, se reconnecter avec la nature. Donc ça fait une belle campagne de RP, mais ça fait aussi du sens pour le consommateur qui se dit qu'ils ne sont quand même pas juste en train de courir après le plus gros bénéfice, ils sont en train de me proposer de changer de style de vie pendant un jour. Meetings opening their doors early. Chaos erupting when some try to taking a stand against the Black Friday frenzy. Major retail is refusing to open on Black Friday this year. Ariago retailer REI, all of its locations will be closed on Black Friday. And it won't be processing any sales online. It will pay employees to take Black Friday off to spend time outdoors. This is my first Black Friday off in 27 years. Black Friday, we're closing all 143 of our stores. You'd rather be in the mountains than in the aisles. Join us on November 27th at Opting Outside. Joining REI decided to close their doors on Black Friday. De RP, et puis ce qui est intéressant, c'est nouveau, on crée un mouvement, d'autres marques emboîtent le pas, et finalement, même si vous n'êtes pas un client, vous les allez voir ça, ou lire ça dans la presse, ou lire ça sur votre flux votre compte Twitter ou sur votre page Facebook, vous allez vous dire, c'est pas inintéressant, une marque qui va un peu à contre-courant commercial, c'est plutôt bien vu. Donc ça renforce ce côté meaningful de certaines marques. On va rentrer maintenant dans les démarches qui sont toujours un peu meaningful, mais des marques qui ont développé une attitude de marque coach. Et je vais notamment vous parler d'une marque qui a commencé, qui a initié cette démarche il y a plus de 10 ans, Nike. Et déjà, alors, ici, quand on voit Nike qui investit dans du média traditionnel en affichage géant qui doit coûter cher et malin, et qui dit simplement « Yesterday you said tomorrow », qui n'est pas en train de nous vendre une chaussure de course, qui dit simplement « Réveillez-vous, hier vous aviez dit je vais faire une sortie et commencer à courir, vous ne l'avez pas fait. Allez-y, quoi, bougez-vous le cul. C'est quand même plutôt sympa qu'une marque, après cette marque espère que j'achète des chaussures Nike, mais c'est quand même plutôt sympa qu'une marque investisse dans du média traditionnel pour m'inviter à faire du sport et pas juste me vendre des chaussures de sport. Et ça date donc il y a quelques années, 2007, le vice-président de Nike avait déclaré, nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus dans un business qui doit nourrir les entreprises médias en payant cher et malin les espaces publicitaires en télé, en affichage, en radio, etc. Nous sommes là pour nous reconnecter avec notre consommateur en essayant de mieux comprendre ses besoins. Et donc, Nike a développé une série de services et d'outils, parfois payants mais souvent gratuits, au-delà de la vente de vêtements ou d'accessoires de sport. Et ça, c'est quelque chose qui a, je pense, donné un peu la tendance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui courent dans la salle. Moi, je ne cours qu'avec Nike Plus, qui est quand même mon coach et qui me permet de tenir des statistiques et de savoir où j'étais courir, d'inviter des amis, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités, alors que je n'ai peut-être même acheté jamais aucun produit Nike. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, je cours avec des Asics, ce n'est pas des Nike. Et je ne considère pas acheter des Nike pour courir. Mais par contre, j'ai pas d'admiration, mais j'ai beaucoup de respect pour la marque, pour ce qu'elle fait, notamment pour moi en tant que sportif amateur, et pour la communauté sportive en général. Et ça, je n'ai peut-être pas la même démarche avec d'autres producteurs de vêtements sportifs qui ne sont pas exactement dans la même approche. Donc une marque coach, c'est une marque qui va un peu moins se focaliser sur son produit et qui va plus se focaliser sur le consommateur et qui va nous donner des outils pour aider les personnes à atteindre leur objectif. Alors ça va, pour Nike, ça va être un objectif sportif, un challenge, mais ça peut être dans le cosmétique, un objectif de beauté ou d'amincissement, de carrière, etc., etc. Kellogg's va essayer de vous accompagner, non pas simplement en disant manger des cornflakes tous les matins ou du spécial K tous les matins et vous allez y arriver. Non, ils vont nous donner des outils, un programme pendant 8 semaines où je vais devoir un peu me prendre en main, faire attention à ce que je mange, bouger un peu plus, etc. pour atteindre mon objectif minceur. Et ça, ce programme-là, c'est des choses qui viennent en plus du simple achat de la boîte de céréales. Et donc, Nike, il y a 3-4 ans, avait décidé aussi de désinvestir une partie du budget en télévision pour investir sur le terrain, et notamment sur des terrains de basket. Ils avaient décidé, dans plusieurs villes aux États-Unis, de venir avec un dispositif, une sorte de caravane high-tech. Ils allaient les quartiers pauvres. Ils allaient essayer de trouver les meilleurs joueurs de basket par quartier. Et ce qu'ils leur proposaient, c'était une véritable expérience. C'était de pouvoir analyser leurs mouvements, leurs dunks, leurs sauts, etc. qui étaient analysés avec une caméra qui tourne au ralenti, qui permettait de décomposer le mouvement. Et ces jeunes étaient coachés par un vrai joueur de la NBA qui allait leur donner des conseils. Alors, de nouveau, souvenez-vous du qu'on avait vu sur Oasis, on est à peu près sur la même approche. On va valoriser et on va vraiment coacher des jeunes qui vont avoir une expérience unique, qui vont évidemment témoigner de ça sur les réseaux sociaux, mais aussi le bouche à oreille. J'étais coaché et j'ai un poster avec comme si je faisais partie de la pub de Nike. C'est un truc super valorisant et ça va marquer, peut-être pas à vie, mais ça va en tout cas marquer l'esprit des esprits de ces jeunes, plus que ce que le spot publicitaire pourrait faire. Et donc, c'est de nouveau cette expérience du consommateur, elle devient dominante pour les marques, puisque ça leur permet de gagner en réputation et en intérêt chez le consommateur. Voyons ça. In the NBA, a player's career has always been defined by his moves. Kareem skyhook. Jordan switch hand layup. Today, players' moves are their signature on the court. Kevin Durant's counter 62. Deron Williams' hesitation dribble. So how do you teach the next generation of stars signature moves that will one day change the face of the game? By taking it to the streets with the Nike Film Room. Part half court, part green screen, 100% education. The Signature Moves Film Room first broke down the pros' moves step by step, making it easy for kids to learn. The kids then studied the moves with the help of Nike training. And performed the moves as a computer program analyzed the film in order to separate it frame by frame. The Signature Moves Film Room application is capable of extracting motion from a still background. The program would subtract the background, leaving only the athlete and the ball. When we shoot a succession of still images, it would recomposite them into one image in a way that the kid would be able to understand something about his performance at a glance. These processed images were sent to printers, and within minutes, those kids were presented with personalized Nike posters of themselves doing the moves. Yeah, I'm a little excited that dribble, and then I crossed over. It's pretty sick. As well as a video showing the moves in action. The videos were uploaded to their baller's resume, a new way for athletes to socialize and store and display their game for coaches and colleges to see. And for maximum impact, we unveiled the film room at the 2010 World Basketball Festival in New York City, at the Mecca of basketball, the Rucker. An international flavor of hoops and culture to New York City this week for the Nike World Basketball Festival. Hundreds of participants learned and performed signature moves and got basketball lessons from NBA pros. I told Andre Iguodala, he did it, and I also got to watch how he did it, so I could probably do it the same. Now kids can hang a Nike poster starring themselves next to posters of their basketball idols. The Signature Moves Film Room set the stage for future film rooms at basketball events around the world, where the next generation will learn the moves that will one day define their game. Alors, plus loin encore, Nike fait même des campagnes qui invitent les gens à trouver leur grandeur, find your greatness, et pas simplement des athlètes qui font du sport depuis pas mal d'années, ou des professionnels ou des non-professionnels, même des enfants, même des gens qui sont pas tout à fait... On July 31st, 2012, Nathan Sorrell, a 200-pound, 12-year-old boy from London, Ohio, redefined the conventions of greatness in front of hundreds of millions of sports fans. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Nathan did it on one of the biggest nights in sporting history. London 2012 set the stage for the most lucrative Olympics in IOC history, and Nike had big ambitions. Be the most talked about brand around the world by getting people to stop worshiping and start doing. Instead of leaning into the fanfare, Nike used the ultimate sporting stage to invite everyday people to get up off the couch and find their greatness. And in doing so, inspire and empower the next generation of athletes, reconnecting them with the brand. This wasn't about hero worshiping, it was about hero making. Instead of finding greatness on the podium in London, England, Nike found it in everyday people and places around the world. There were no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. There are great athletes. Through their social and digital communities, Nike invited the world to find their greatness. Using Nike Plus and Fuel, we encourage people around the world to get moving, set goals, and log runs on their journey to greatness. The campaign got the world talking, but more importantly, It got people moving. This was the first time in the brand's history that Nike did not use elite athletes in their Olympic advertising. We proved to the world that if you have a body, you are indeed an athlete. If you have a body, you are an athlete. Quelle chouette promesse qui contribue donc au côté meaningful de la. Autre exemple, alors parfois il y a des choses plus tactiques, même une marque de mayonnaise essaye de devenir un peu plus meaningful aux yeux de ses consommateurs. Comment faire la différence par rapport à une marque concurrente? Vous avez dit, au mayonnaise, ce n'est pas un achat très très émotionnel. Et il y a une marque qui a réussi en faisant tout un système assez compliqué, assez complexe au niveau du data. Ils se sont mis d'accord avec l'équivalent de Deleuze, je crois qu'on était en Afrique du Sud, pour dire on va analyser le scan, on va lier les résultats du scanner des caisses avec un algorithme qui va donc enregistrer en temps réel ce que les gens ont dans leur chariot. Et s'ils scannent également notre pot de mayonnaise, sur le ticket, on va leur proposer une recette de cuisine base évidemment de mayonnaise, et avec les ingrédients que les gens ont dans leur caddie. Pas des trucs fictionnels, réels. Et je pense qu'ils ont même poussé plus loin, c'est qu'après on pouvait aller sur le site pour voir un chef qui explique comment faire cette recette. Et donc là, il y avait une vidéo. Et ça, et vous allez voir, dans le petit reportage d'ici, la campagne en elle-même, la campagne de pub, c'est une bête affiche avec le pot de mayonnaise qui explique le petit avantage de la recette gratuite qui est adaptée à vos achats. C'est franchement pas de la grande créativité. Par contre, c'est du vrai service à valeur ajoutée. Entre un pot de Devos Lemens et ce pot-là, à peu près au même goût et même prix, ben, je vais être tenté d'avoir une recette supplémentaire en fonction de mes achats. Et donc, c'est ce genre de réflexion qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'annonceurs, on est amené à avoir pour aller au-delà de la vente de leurs services. Et donc, le métier d'agence de com, comme je vous l'ai dit au premier cours, a complètement évolué. Nous ne sommes plus là uniquement pour développer des concepts publicitaires, pour communiquer d'une manière très créative un message. Nous sommes là aussi pour inventer, définir des nouveaux services à valeur ajoutée pour le consommateur. Je vais parler de la révolution au niveau automobile qui est en train de se préparer. Je pense que vous avez parlé de Mercedes qui s'associe avec Amazon pour faire du delivery de vos packages, pas ni au bureau ni à la maison, mais directement dans le coffre de votre voiture. Ça, c'est le genre de service à valeur ajoutée qui est intéressant pour le consommateur et qui commence à qui permet de valoriser les deux marques. Et bien ça, je pense qu'on est aujourd'hui, en tant que marketeer ou qu'agence, capable, et enfin, c'est même notre mission de développer ce genre d'idées. Most people still think. Pardon. Voyons l'exemple du pot de mayonnaise. Most people still think mayonnaise is only good for sandwiches. And even though Hellmann has been successfully teaching new uses to consumers, one challenge still remained: the point of sale. We needed to take advantage of the moment when customers have all the right ingredients at hand. Hellmann's recipe receipt. If there's Hellmann's in your shopping cart, there's a recipe on your receipt. The software was installed in around 100 cash registers at a major supermarket chain. The consumers do their groceries as usual. At the cash register, the software recognizes the Hellmann's bag. Quickly combines Hellmann's with other purchased products and generates a custom recipe instantly printed on the receipt. Beef, onions, tomato, Hellmann's, filled with onion sauce. Chicken, pasta, curry, Hellmann's. Chicken fingers with curry. Uma colher de chá de sal, meia xícara de maionese Hellmann's. Tem alface, é exatamente o que eu estou levando. outside of you. The software was installed in all cashiers for over 3 months. In the first month alone, the sales increased 44% and thousands of recipes were printed, teaching people how to use helmets to prepare salads, meats, sauces, pastas, and even sandwiches. Surtout intéressant, c'est l'augmentation des ventes de 44% en très peu de temps. Parce qu'il ne faut pas juste avoir des idées meaningful, il faut en effet qu'à un certain moment, elles puissent soit augmenter la valeur de la marque, soit la valeur des ventes. Autre cas, on a parlé de Nivea. Alors, ce sont des choses qui sont très locales, qui sont faites ici. C'est une initiative de Nivea Brésil, qui chaque année essaye de trouver une idée un peu plus meaningful. Et de nouveau, ne nous méprenons pas, vous avez vu, c'est ici par exemple pour la mayonnaise, c'est fait dans un seul magasin, dans une chaîne de magasins. Le but, c'est de générer pas mal de earned media, de relations publiques, de couverture presse, pour toucher un plus large public. Ils n'ont pas mis ce système-là en place dans tous les magasins pour essayer de toucher l'ensemble de la population. Ça coûterait beaucoup trop cher. Donc on est toujours... Souvenez-vous, je vous parlais d'un peu de la manière dont on fonctionne en agence avec le pay, le owned et le earned. On cherche des idées qui vont permettre de générer un maximum de earned media et qui vont faire parler de la marque et qui vont changer la perception du consommateur. Et plus uniquement à travers une campagne qu'on paye, mais aussi voilà, parfois des trucs et astuces sur le terrain qui vont faire en sorte qu'on va beaucoup parler de nous. Donc ici, ce sont des exemples qui concrétisent. Et donc, exemple de Nivea. Quand les mamans sont à la plage et qu'elles ont envie d'avoir un peu de bon temps sans devoir tout le temps être derrière leurs enfants, Nivea trouve une solution pour bronzer en paix. Décharge électrique pour les ramener. Beach will be beter bekend als Cartman, met één vraag. Wil jij als eerste een aangepast concert componeren voor Vera? Est-ce que vous avez changé d'opérateur pour ça? Non, mais de nouveau, ça fait des RP positifs pour cette marque. Et je termine les exemples et puis on va arriver sur un peu plus de théorie. J'ai un exemple que je trouve assez fantastique. Là aussi, ça prouve la créativité d'une agence d'aujourd'hui. Développé par Drago 5, qui est une très chouette agence dont le fondateur s'appelle Droga 5, de David Droga, qui est depuis, je pense, 4 ans de suite maintenant, décernée comme étant l'agence la plus créative aux États-Unis, parce qu'ils innovent beaucoup, ils viennent avec des nouveaux types de solutions. Le challenge, c'est quoi? C'est que quand on a la leucémie, on a besoin d'avoir des donneurs, et les donneurs apparemment aux États-Unis sont assez difficiles à trouver parce qu'il y a tout un cheminement administratif qui fait que si on doit vraiment être empreint de beaucoup de bonne volonté pour donner son sang, c'est pas très simple. Là, qu'est-ce que l'agence fait? Elle réfléchit au problème et elle se dit on va aller trouver un partenaire qui est un bandagiste qui s'appelle Help, qui est une marque chez nous, qui font des sparadraps et des bandages. Et on va essayer de trouver une solution ensemble, parce que l'idée créative, elle est simple, c'est que chaque personne qui est moment dans sa vie, au bureau, chez soi, se coupe, et donc a une petite goutte de sang, peut potentiellement devenir un donneur. Parce qu'en fait, quand on a besoin de mettre un sparadrap, l'agence s'est dit, on va avoir la partie droite d'une petite boîte avec les sparadraps et les infectants, la partie gauche, une mini-enveloppe, avec un mini coton-tige qui permet juste de prendre sa goutte de sang, de la mettre dans cette enveloppe avec le port prépayé. On la met dans n'importe quelle boîte postale et ça va au centre qui analyse les donneurs de sang et vous allez pouvoir devenir un donneur potentiel. Et donc la marque de Sparadrap s'est dit c'est fantastique comme idée parce que ça nous permet non seulement de soutenir une cause, une maladie qui n'est pas facile à traiter, d'avoir pas mal de retombées RP, mais aussi indirectement, vous allez voir les résultats, d'augmenter rapidement nos ventes, parce qu'un consommateur qui doit instantanément dans un magasin, dans une pharmacie, acheter des sparadraps et qui a été conscientisé de la démarche de cet annonceur, va peut-être être plus porté à acheter cette marque-là qu'une autre. Donc de nouveau, c'est ça, c'est cette différenciation-là qu'on n'avait pas avant. Je vous rappelle qu'avant, on faisait de la différence produit, et puis on a fait de la différence de marque, essentiellement sur la manière dont on communiquait avec la créativité. Là, on fait de la différence par rapport à des choses qui font du sens dans la vie de certaines personnes. Hi, I'm Graham, and this is my twin brother. 10 years ago, he was diagnosed with leukemia, but thankfully, his life was saved by a complete stranger who had registered to be a marrow donor. He was lucky, though. You see, more than 650,000 people are diagnosed with leukemia and lymphoma every year. And for the most severe cases, like my brother's, a marrow transplant is their last hope. But only about half find a match. Unfortunately, the Marrow Donor Registry is one of the most underrepresented donor programs in the world. And it's no wonder, really. Most people think that registering as a marrow donor is painful and complicated, but really, all it takes is a couple drops of blood. The only pain is actually finding a way to register. Now, you have to either take time out of your busy day to go to a special doctor, or order a registration kit online, pay $16 for it, and while you're at it, pay for the shipping. We've made it so difficult to register. It's amazing that a few good people out there care enough to jump through all these hoops just to save a random person's life. But the fact is, most don't. Imagine, though, how many lives could be saved if registering as a marrow donor wasn't so hard. What if we could turn a normal, everyday act into a chance to save a life? Introducing Help. I want to save a life. A package of over-the-counter bandages that also doubles as a simple marrow donor registry kit. So the next time you cut yourself shaving or shuffling papers or making dinner and you reach for a box of bandages, you'll have a chance to save someone's life. You just put a couple of drops of blood in the swabs, toss it in a prepaid envelope, drop it in the mail, and that's it. You're a potential lifesaver. This simple idea brought together a pretty unlikely pair. Help Remedies, a pharmaceutical company, and DKMS, the world's largest marrow donor registry. And then something pretty amazing happened. The TED Conference chose it as one of their favorite ideas of the year, and even helped us launch it at this year's global conference. And since then, the whole world's helped us spread the word and share our story. And in just a few short months, sales of Help's bandages are already up more than 1,900%. But amongst all these sales figures and media impressions and YouTube hits, there's really only one statistic that matters. Thanks to this little pack of bandages, marrow registrations have nearly tripled. Who would have thought a few paper cuts could make a world of difference and actually save lives? On peut trouver des idées qui ont une vraie utilité pour un certain public, tout en aidant certaines marques à continuer à nourrir leur réputation et augmenter les ventes. Les choses ne sont pas incompatibles, mais il y a quelques exemples, il n'y en a pas énormément, qui nous réconcilient avec cette équation. Alors, voyons un petit peu de théorie sur cette approche des marques de coach, qui n'est pas juste... un effet de mode. Ça fait quand même quelques années que des marques ont mis ça comme stratégie assez importante dans à leur planning. Alors, la preuve en est, c'est que d'autres gourous du marketing ne parlent pas de marque coach, mais vont parler du story doing plutôt que du storytelling. Storytelling, raconter une histoire pour bien vendre un produit. Story doing, c'est développer des services à valeur ajoutée pour les gens. Ça va être la même chose. Et de nouveau, les résultats, comme les meaningful brands, ce sont les organisations, les entreprises qui font des choses qui vont avoir le plus de succès auprès des consommateurs. Là, on est sur les chiffres share price, la valeur des marques qui augmente pour celles qui font du storytelling par rapport à celles qui diminuent pour celles qui font du storytelling. Au niveau de la croissance annuelle également, la croissance annuelle des entreprises qui ont été analysées entre 2007 et la 2011, qui ont fait du storytelling, il y a des entreprises en croissance, mais moins fortes que pour le storytelling, etc. Je ne vois pas de retenir les chiffres. Alors, coach. D'où est-ce que ça vient? Le nom coach est dérivé du français coche, qui voulait dire carrosse, qui mène d'un point à un autre, et puis c'est devenu le mot utilisé pour dire un entraîneur. Mais c'est en effet quelque chose qui va vous permettre de vous transporter à un endroit et un objectif que vous vous êtes déterminé. Et donc le coaching, c'est une relation privilégiée entre deux partenaires qui vont avancer ensemble vers un même objectif. coaching, c'est une recherche d'un meilleur soi, l'idée de mieux être. Et puis, vous savez, il y a des coachs. Quand on termine de travailler dans une boîte où on est renvoyé, en général, on se met indépendant et on devient coach en nutrition, en coaching personnel, en coach financier. Enfin, il y a des coachs en veux-tu, en voilà. Ça, je n'avais pas. Je fais un peu de nettoyage. Du mieux-être au coach, le coaching des composantes. C'est surtout ça. Les marques et le coaching. Important, on est passé de l'avoir à l'être. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement une question de posséder, mais c'est surtout une question de qui on est. Les valeurs morales, les valeurs sont plus importantes que le paraître. Donc on est passé vers des marques de l'avoir, vers des marques de l'être. Les marques de l'avoir vendaient des produits ou une fonctionnalité. Les marques de l'être, à l'inverse, vendent du sens, de l'identité pour mieux résonner chez le consommateur. Dove ne vend pas uniquement un produit aujourd'hui, elle vend aux femmes un espoir, du sens, une valorisation de l'agent féminin. Alors, le défi du coaching. Le coaching représente une nouvelle dimension dans cette recherche de sens. La marque ne se contente pas de dire ce qu'elle est. Elle propose un objectif individuel à atteindre et elle va se positionner par rapport à cet objectif. La marque, donc, va offrir un objectif à son consommateur et elle va l'accompagner pour atteindre cet objectif. Et donc, ça, c'est aussi très, très différent. C'est pas, vous avez décidé de devenir un athlète, vous avez décidé de vous mettre au sport, eh bien, choisissez-nous, on va vous aider. Il y a des marques, et notamment Nike, qui vont vous pousser à faire du sport et à rester en meilleure santé. C'est pas vous en tant que consommateur, vous avez décidé de faire du sport, on espère que vous allez nous choisir, nous. On va anticiper les besoins, on va inspirer les gens, on va inspirer le consommateur. Donc pour devenir coach, la marque va devoir se doter de trois caractéristiques. D'abord, elle doit se fixer un objectif, ça va être une promesse. Elle va rester à la marque dans une recherche de mieux-être spécifique. Elle doit se doter d'une personnalité, comme un coach réel, un coach sportif, qui va disposer donc d'une personnalité, d'une posture vis-à-vis des consommateurs et des coachés. Et la marque doit faire ce même cheminement. Et elle doit proposer des outils pour sortir de... la promesse qui est une promesse vague, sans soutien, on va vous aider, mais finalement on ne fait rien pour vous aider. Ce qui rend une marque coach, ce sont les outils, le programme qu'elle va mettre en place et qu'elle va mettre à disposition pour coacher ses consommateurs. Donc, définir un objectif, avoir une personnalité de coach avec une manière de coacher, on verra qu'il y a deux manières différentes, et puis proposer des outils qui vont aider le consommateur à arriver à atteindre son objectif. Alors, un objectif, ça peut être, en fonction des secteurs, ça peut être des objectifs très très différents. Un NG aujourd'hui va vous dire, notre objectif c'est de faire en sorte que vous consommiez moins d'énergie. Une compagnie d'assurance va dire, on va faire en sorte que vous ayez moins d'accidents. Un Nike va dire, on a envie que vous soyez en meilleure santé. Demain, un constructeur automobile va dire on va essayer que votre mobilité dans votre ville soit plus simple en vous donnant des nouvelles formules de déplacement, pas simplement basées sur l'achat d'une voiture, mais aussi avec des solutions multimodales, etc., etc. Donc, l'axe de coaching, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. La personnalité. La marque coach, elle ne va pas se contenter donc de faire une promesse. Elle doit avoir une personnalité qui va traduire certaines valeurs et aussi une posture. Et il y a deux postures possibles. Soit la marque va être enabler, soit elle va être mentor. Mentor, enabler, mentor, c'est Nike. Nike va m'inviter à faire du sport, va m'inviter à me bouger plus, à aller au-delà de ce que je peux faire et qui va en fait me prendre par la main et vraiment tirer pour aller au-delà de mes ressources, de mes limites et de m'initier à certaines choses. Donc les marques mentors, elles vont me donner une direction, elles vont me donner envie de faire des choses. Elles vont me booster, elles vont me dicter des choses, elles vont aussi me surveiller avec des outils, tirer vers le haut, inciter à me surpasser. Il y a d'autres marques qui sont, et c'est la majorité des marques aujourd'hui qui sont dans cette catégorie-là, qui sont des enablers, où en tant que consommateur, quand j'ai décidé de faire quelque chose, il y a certaines marques qui vont mettre des outils à disposition qui vont faciliter l'accès à mon objectif. Soit par du conseil, soit par de la suggestion, soit elles vont m'aider, du soutien, l'accès à une communauté qui va m'aider également à me donner des informations, etc. Et donc, une marque mentor, c'est les marques qui me tirent vers le haut. Yesterday you said tomorrow, c'est ça. C'est, elles vont se positionner sur le dépassement de soi, l'affirmation, ça va être des Nike, ça va être des Adidas. Elles vont adopter une posture de mentor, un coach qui booste, qui surveille, voire qui bouscule, ou qui parfois peut culpabiliser de ne pas avoir fait des choses. Et elles vont utiliser des messages qui sont très motivants, aspirationnels, dicter les bonnes attitudes, profiter des mécaniques sociales, des réseaux sociaux ou de la gamification pour inciter au changement. Et puis il y a des marques enablers. Alors, les marques enablers, c'est soit Bledina qui va former les mamans, ça va être les Kellogg's où j'ai décidé de maigrir et donc va me donner un programme. Ça va être des marques, si vous vous souvenez de nicotine, à l'époque où il y avait les patchs avant la vaporette, où je me rentrais aussi dans un programme de 3 mois pour essayer d'arrêter de fumer, etc., etc. Donc ce sont des marques qui vont enabler, qui vont me permettre, me faciliter l'accès à mon objectif et à l'objectif que je me serais fixé. Alors que les marques mentors sont des marques qui vont m'inspirer un objectif que je vais avoir envie de suivre. C'est la grande distinction. Alors les outils, pour incarner cet objectif, cette posture, ils vont proposer des outils. Et les outils se limitaient à du papier, à du print, à un programme minceur sur l'arrière, le verso de votre paquet de céréales. Et c'est là que le digital a apporté une nouvelle dimension. Il y a des nouvelles modalités, d'un nouveau type de relation. Et il y a 5 leviers que le digital apporte au niveau du coaching. Ça, c'est pas important, rassure, c'est pas une question d'examen, mais le digital apporte plus d'accessibilité à travers le côté multi-touch point, plus de rapidité, plus de récurrence, on réagit plus facilement en fonction des résultats du client, du consommateur. Plus d'intelligence collective, et là elle va permettre de partager des résultats et les chiffres avec d'autres. Souvenez-vous du premier film qu'on avait vu ensemble de E.ON, ce fournisseur d'énergie en Suède, qui avait mis en place tout un système basé sur la data dans votre ville, dans votre quartier. Vous pouviez vous comparer sur votre consommation ou sur vos économies d'énergie par rapport à vos voisins ou aux gens qui habitent la même ville ou le même pays. Ça, c'est l'intelligence collective que le data permet donc d'apporter. Mais aussi plus de connaissances et de personnalisation de services, et aussi un dialogue, un certain moment, avec des conseils personnalisés. Quel programme de coaching pour les marques ? On peut avoir un programme par le contenu, donc ça veut dire qu'une marque va poster et mettre à disposition de manière quotidienne du contenu aux consommateurs. Sur une thématique précise, minceur, inspiration créative, inspiration à se bouger, etc. etc. Vous connaissez le service Freeletics qui permet de faire du sport à travers une application et on vous montre quels exercices faire tous les matins. On est vraiment là. Tous les matins, vous avez un programme spécialisé qui vous permet de vous dépasser. Nike a développé le même genre d'application, plutôt bien foutu. Et donc, c'est accompagner les clients. En termes de conseils, presque avec de la démonstration qui va lui permettre de s'améliorer sur certains points. Donc on va avoir des plateformes ou des applications. Mais ça peut être une banque, avec BNP qui a développé une plateforme qui s'appelle Moneybag et qui permet d'atteindre des objectifs d'économie pour acheter une voiture, pour acheter quelque chose, des vacances, et qui va me suivre en fonction de l'état de mes dépenses et qui va continuer à m'influencer tous les jours en me donnant des conseils. Ça peut être une marque de maquillage qui va me donner tous les jours des nouveaux conseils pour me maquiller, etc., etc. Donc ça, c'est le coaching par le contenu. Ou alors, le coaching par le programme. J'ai décidé de me fixer un objectif et elle va proposer un programme plus ou moins personnalisé qui va permettre d'atteindre mon objectif que je me serai fixé. Au niveau, c'est valable au niveau du sport, c'est valable au niveau de la diététique, c'est valable au niveau de la cuisine, c'est valable au niveau de l'aspect financier des choses. Ce sont des plateformes de conseil, d'accompagnement sur la durée. On peut mettre en place un programme qui va être proposé aux consommateurs. C'est ce que Nestlé a fait pendant des années, toutes les marques de céréales, toutes les marques anti-tabac, etc. etc. Donc là, on n'est pas sur du contenu qu'on diffuse tous les jours, on est vraiment sur un programme. Pensez à Nike. Vous avez un coach intégré dans Nike Plus, vous dites dans 6 mois, je voudrais faire un marathon, eh bien, la plateforme, l'application va vous concocter un programme spécifique en fonction de votre niveau de course, de votre niveau sportif, et que vous allez pouvoir suivre tous les jours. Autre manière de coacher, c'est le coaching par le data. Et là, on va accompagner de façon mais vraiment ultra personnalisée. Ce n'est pas juste un programme qu'on a fait en fonction de plusieurs profils. Le programme va se réadapter en fonction de ce que vous aurez fait ou pas fait. Et donc là, on est sur de la vraie intelligence data qui va analyser vos performances, que ce soit au niveau diététique ou au niveau sportif, mais aussi au niveau conduite. EcoDrive de Fiat permet de surveiller la consommation énergétique du conducteur pour l'amener à une conduite responsable. Donc, en fonction de la manière dont je conduis, je vais recevoir des trucs et astuces pour améliorer ma conduite et finalement brûler moins de carburant. Alors, autre grande tendance, c'est le coaching par la communauté. Là, c'est la marque qui va mettre à disposition une plateforme où ce sont les gens qui vont s'échanger des trucs et astuces. Pensez, vous avez sûrement vu les pubs de Vanish, c'est pas très relevé, mais c'est du coaching anti-tâche qui est créé par la communauté. La marque ne vous dit pas comment faire, c'est Madame Duchemuc de Marcinelle qui explique que pour enlever la tâche de vin sur sa nappe, elle a un truc et astuce avec un peu de Vanish et un peu de poudre de perlimpinpin et ça marche très bien. Et il y a 2000 vidéos, j'exagère, mais il y a 2000 vidéos à disposition sur une plateforme avec une base de données et quel que soit le problème de tâche que vous puissiez avoir, il y a de toute façon quelqu'un en Belgique qui a un truc en utilisant Vanish qui va vous être fourni à la seconde. Et donc ça, c'est le coaching par la communauté. C'est pas la marque qui dicte tout, c'est la mise à disposition. Mais ça peut être des passionnés de jardin qui vont donner des trucs et astuces. Canon pourrait faire la même chose avec des trucs et astuces de photographes qui vont s'échanger des choses, des filtres Photoshop et ce genre de choses. Donc là, on est sur un coaching, une évolution de sa passion ou de son objectif en comptant sur la communauté. Il y a une partie coaching qui rentre parfois dans du programme, mais qui est coachée par le jeu. Et là, on rentre un peu dans du gamification. On veut gagner des points, on a envie de s'inscrire dans décrocher des nouveaux badges et avoir gagné un statut. C'est ce que Comprex fait très très bien. La plupart des marques qui sont dans le régime, c'est pas très très marrant. Il faut s'accrocher. Avec Comprex, c'est dit, on va faire en sorte que le régime devienne fun. On va lui apporter même un côté un peu rigolo et un peu sexy. Et donc, Comprex mise donc sur cette logique communautaire où on va inciter les gens à poser des défis à ses amis ou à ses amis. De manière fun, avec chaque fois des défis un peu burlesques qui sont envoyés sur les réseaux sociaux. Ça peut être du coaching en vrai, mais ça c'est pas très intéressant. Et coaching via concours, je trouve moins intéressant également. Voilà, c'était un petit peu la partie sur les deux modes de coaching, les postures de coaching et puis quels sont les outils à disposition qui font qu'on a plusieurs types de programmes de coaching. Je voudrais m'intéresser un peu plus à l'évolution de Dove dans cette mouvance des marques coach. Ça, c'est une pyramide que j'utilise assez souvent pour essayer de décrire un peu quel est le niveau de communication que les marques utilisent. Alors, même quand vous faites un brainstorm, en fait, c'est un bon truc. Hein. Si vous devez réfléchir à un style de campagne, vous pouvez faire cette pyramide. Vous pouvez toujours partir du bas, c'est-à-dire quels sont les attributs du produit qui apportent une différence produit. Et on peut communiquer sur ces attributs. C'est-à-dire pour une voiture super luxe, et là, un intérieur luxueux, des sièges en cuir, super sonos. Pour un biscuit, ça va être pour des Twix, ça va être il y a un biscuit croquant, il y a du caramel, il y a du chocolat fondant au lait qui est onctueux, etc., etc. Vous montez d'un étage, vous pouvez faire donc soit vous pouvez faire une campagne qui explique ça et qui démontre ça, les bénéfices, pas les bénéfices, mais juste les attributs. Soit vous mettez en avant les bénéfices fonctionnels. Je mange le Twix, c'est le caramel onctueux m'apporte un plaisir gustatif important. C'est ce qu'on va mettre en place dans la communication. Soit vous venez sur un bénéfice émotionnel. Alors, c'est tellement bon, ça me transporte que je suis en train de m'évader, je suis en train de faire un break dans ma vie très très occupée. Et donc ça me permet en effet de m'octroyer un moment de plaisir et de break. Et puis arriver sur une valeur de l'évasion. Je reviens à Dove. Dove, pendant des années, non. Coca-Cola, même chose. Attribut produit, c'est rafraîchissant, c'est plein de sucre, c'est pétillant, etc. Bénéfice fonctionnel, quand j'ai soif, ça étanche ma soif. Bénéfice émotionnel, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis quelques années, c'est que ça m'apporte un petit peu de bonheur dans ma vie. Dove, également, pendant des années 60 aux années 90, ils ont joué sur les attributs produits. On vous dit que Dove a un quart de crème nourrissante dans son savon et dans ses produits, et ça adoucit la peau. Et ils nous ont bassiné avec ce message-là dans la com. Et puis aujourd'hui, ben, les marques, c'est devenu une marque coach, qui a une posture de marque coach, et qui vient sur la valeur de la vraie beauté de la femme, tout en vendant des produits. Regardons un petit peu que Dove avait l'habitude de communiquer sur son côté non agressif du savon et donc justement très doux dans les années 80 ou 70. Je ne fais pas toute la saga parce qu'il y a beaucoup de trucs très, très rébarbatifs où on voit ce savon qui apparaît et, ou alors des femmes qui contestent du savon Dove sur la joue droite et puis un autre savon sur la joue gauche et puis elles disent « Ah, mais ma peau est beaucoup plus douce ». Ça, pendant des années, c'était la tradition chez Dove, ce genre de communication. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, ils sont arrivés avec ce spot que vous souvenez certainement. Thank you. Donc, ils ouvrent un fonds qui s'appelle le Dove Self-Esteem Fund, qui va sponsoriser certaines initiatives qui permettent de valoriser les femmes. Ils ouvrent le débat sur différentes plateformes. Ils lancent ce genre de campagne qui fait en effet pas mal de remous et qui gagne pas mal de earned media, qui était quand même assez fantastique. We see beauty all around us, même pour les femmes un peu plus matures. Et c'est avec ce genre de campagne-ci où je pense qu'on Dove arrive à toucher pas mal de femmes et à devenir vraiment meaningful en dehors de la qualité du produit. J'insiste un petit peu là-dessus, il y a pas beaucoup de marques qui arrivent à faire ça, mais qui Dove est en train d'être imité aujourd'hui pas mal par d'autres marques également féminines, notamment Always. Mais voyons un petit peu ce spot avec ce dessinateur du FBI. Vous voyez ce spot? Non, vous voyez? Truc tout con, hein. Ils se sont dit, en fait, comme les femmes ont toujours tendance un peu à se dévaloriser. Voilà, j'ai trop de rides, je suis trop grosse, je suis pas bien. Ils se sont dit, on va inviter deux personnes. Une personne qui connaît à peine la femme qui l'a croisée en 5 minutes, donc qui ne la connaît pas. Et on va lui demander de la décrire à ce portraitiste du FBI qui a l'habitude de faire les portraits robots. Et ensuite, on va demander aussi à la femme, sans que le portraitiste, voit la femme, qu'elle se décrive. Et donc, il fait deux dessins. Le dessin de ce que la femme dit d'elle et le dessin de ce qu'un homme qui l'a croisé en 5 minutes dit de cette femme. Et puis, on réinvite la femme à se découvrir et là, il y a un effet assez incroyable. J'espère que ça va aussi nous influencer. Only 4% of women believe they're beautiful. To inspire the other 96% to feel the same, she conducted a social experiment. We called in an FBI-trained sketch artist. First, he sketched portraits of the women based on their own self-descriptions. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I'd say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. Then, he sketched the same women, based on descriptions by strangers who had met the women briefly. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. Finally, we revealed the two sketches to the women themselves. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... The second one looks more open, friendly, and our experiment generated two films, eight individual short films, and an online exhibit of the sketches. The sketches' visual became the icon of the campaign, used on print and out of home as thumbnails to encourage social media sharing and to illustrate articles on mass media publications. This gave cohesion to all the media touchpoints around the lead film that ran on TV and cinema. Very pretty girl is actually what Beth looked like. And then you see how Beth described herself. The sharing and buzz on social media quickly made the headlines of mass media publications all over the world. With just the first 2 weeks, the campaign was the fourth most shared ad of all time and was viewed more than 73 million times on YouTube. It became the most shared article in Mashable's history, and it generated 3.8 billion global impressions. Most importantly, it made real beauty a global topic of conversation again. Pas très bien soutenu ici, c'est toute la dimension sociale de la campagne, parce que on voit un film, c'est pas un spot télé, c'est une action qui a été réalisée et qui a été essentiellement diffusée sur les réseaux sociaux. avec énormément de vues sur YouTube, vous avez vu, hein, 73 millions, je crois, de vues. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle je montre ça dans ce cours-ci, c'est que c'est une toute autre manière de faire de la communication meaningful, mais sur d'autres outils digitaux que du paid media. Donc là, on est sur du owned et beaucoup de earned, et finalement très très peu en paid. Pour compléter, de temps en temps, ils font aussi des campagnes télé, mais sur le même, sur la même dynamique, sur la même promesse, et toujours en enfonçant le même clou. Et voilà, je trouve ce spot particulièrement bien foutu. Charnière, à quel âge elles ont cessé de se dire oh, qu'est-ce que je suis belle, je me regarde et puis pour se dire je suis un petit peu trop ceci ou trop ça. Ma belle-fille a 14 ans et elle est justement dans cette période-là où elle se regarde plus maintenant pour se dire qu'elle se trouve moche qu'il y a un an où elle se trouvait tout à fait délicieuse. Alors il y a d'autres marques qui se sont inspirées du mouvement Dove, Always avec Like a Girl, ça vous dit quelque chose? Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing. This is mine. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now grow like a girl. Aww. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Grow like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. Wait, yeah, insulted girls, not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really is, if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. girl also may win the race. Alors, le hashtag like a girl a été, j'ai oublié les chiffres, mais je ne sais plus combien de millions de fois utilisé. Ça a créé pas mal de discussions. Ça permet de nouveau aussi de valoriser les femmes dans une société qui reste encore un petit peu trop machiste. Donc, il y a beaucoup de bénéfices derrière cette campagne, notamment pour Always. Mais on voit que les marques coach sont dans une démarche qui n'est plus uniquement centrée sur elles-mêmes et sur leurs produits. C'est une démarche très altruiste, dans un but néanmoins qui est sur le long terme de garder un lien fort avec le consommateur et en espérant qu'en donnant quelque chose et en étant plus meaningful dans leur vie ou en répondant à certains objectifs, eh bien, on va pouvoir avoir une relation commerciale sur le long terme. Donc il faut donner, les marques comprennent qu'il faut donner avant d'être acheté. Et c'est ce qui, c'est cette mouvance-là aujourd'hui qui domine. Et le digital a accéléré ça, parce que c'est évidemment plus simple d'offrir des choses à travers des outils digitaux aujourd'hui que ça n'était il y a 10 ans ou 15. Même, on a vu les marques qui étaient les moins meaningful au niveau du secteur, c'était dans le fameux axe, c'était le secteur de la finance, les banques et les assurances. KBC fait un très très bon boulot en Belgique, avec une bonne agence qui s'appelle TBWA. Ici, ça, c'est une des premières actions marque coach qu'ils avaient entamées en Flandre, plutôt que de simplement dire aux jeunes entrepreneurs ou aux personnes qui ont besoin d'un prêt pour démarrer une activité, une entreprise, une start-up ou un commerce. Plutôt que de faire une campagne de pub en disant nous avons des super taux, ils ont décidé de d'abord analyser quels étaient les besoins de la population. Alors ils ont été sondés dans les différentes villes en disant tiens, dans votre quartier, qu'est-ce qui vous manque? Ah ben là, dans le quartier, on n'a pas de coiffeur. Ah, nous, dans notre quartier, il nous manque un libraire, il nous manque un épicier. Et ils ont fait, en fait, toute cette analyse, ils ont placé ensuite sur un site internet pour permettre, après, aux entrepreneurs qui décidaient d'ouvrir leur commerce, une boulangerie, une charcuterie, une librairie, de savoir exactement où l'ouvrir, puisqu'il y a une demande. Et donc, c'est de nouveau une démarche très altruiste qui a demandé un petit peu d'études de la part de KBC, mais de mettre à disposition cette donnée pour ensuite aller octroyer le prêt pour l'entrepreneur pour démarrer son commerce. Ça, c'est une nouvelle démarche commerciale qui rentre dans cette ère des market coach. In today's economy, it's very hard to start your own business. But if you have the guts to do it, you need a good idea and the right location. But how do you know what people need and where they need it? We at KBC Bank, we support the independents, the starters, and the entrepreneurs. Because you have to have some serious muscle to kickstart your own business these days. That's why we want to help, by finding the gap in the market in every single town in the country. Because it's possible that the inhabitants of Bakersville can find a fresh loaf of bread on every corner, while the people in Mouse Town are desperately looking for crumbs. Some towns just have businesses that other towns, unfortunately, don't. And that's exactly what we want to put on a map. Because if all of you let us know what you are missing in your towns, then we can show future business owners where to start a good business. Bringing together local people with local ideas, with local money, is better for the local community. That's how we create a prosperous future for all of us. The GapFinder tool on the website was the heart of the campaign. By filling in your zip code, you could let us know which kind of business you were missing in your town. That way, people with business plans could see which businesses were needed. They could then compare the needs for different types of businesses and compare the needs for different regions. After that, they could even add their own business idea. this is how we involve the people of every town. First, we explain the idea in film and on radio. On local radio stations, people could hear exactly what was missing in their towns. Every town in the country got its own personalized posters. Online banners did the same by using IP tracking. The windows of empty stores in popular shopping areas were covered with messages urging people to go to the website. And a partnership with the regional journalists of one of the biggest newspapers made it possible to publish articles and reports specifically about the needs of every town and city. And the results? Every national newspaper, TV and radio channel suddenly started to talk about the lack of local businesses. No less than 171,157 gaps in the market were reported. On average, 560 for every single town in the country. Almost 1,500 fresh new business ideas were generated as a direct result of this campaign. Not bad for a place with only 6 million inhabitants. And although the website was just meant to be a campaign tool, it is now the most popular database for everyone looking to start a new business. Des mots. Comme quoi, il n'y a pas que des exemples aux États-Unis. En Belgique, il y a des belles initiatives de marque courte. Voilà, on se voit la semaine prochaine. Vous n'êtes pas en congé la semaine prochaine. Un coup. Avec pas trop. Bonne semaine et à la semaine prochaine.